et grisaille les toits. Un conte pour les enfants, écrit et lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Autant jadis, au pays des quatre vents, vivait une sorcière qu'on appelait Aigriselle. Aigriselle est une sorcière comme toutes les sorcières. Elle porte un chapeau noir, elle a un nez crochu et une verrue à la joue, un menton pointu, une robe en zaillon. Tout ce qu'il y a de plus affreux l'est, bien entendu. Sauf le chapeau. Par coquetterie, Aigriselle l'a décoré d'une superbe couronne de fleurs multicolores. C'est très réussi. Elle a 215 ans. Elle habite dans une vieille cabane en bois, toute déglingandée et poussiéreuse. Alors, tous les jours, elle fait du feu dans la cheminée pour ne pas avoir trop froid. De toute façon, c'est très utile, la cheminée, pour y mettre à bouillir le chaudron. Et Griselle ne se lave pas souvent. Elle ne sent pas très bon. Elle n'a pas changé ses vêtements depuis... Cela fait tellement d'années qu'elle ne s'en rappelle plus. On ne peut pas faire de shopping au pays des sorcières. Elle est grande, trop à son goût. Elle voudrait dégrandir un peu. Elle est grosse aussi. Dans le pays des quatre vents, on ne mange que des cornes flasques au jus de dragon au petit déjeuner et de la choucroute nouille, sorte de choucroute à la grenouille, tous les midis et tous les soirs. Notre sorcière a donc pris 60 kilos et ressemble à une boule de boulingue. Il faut dire que pour elle, tous les chemins mènent au garde-manger. Comme toutes les sorcières, Aigriselle est un peu bougonne et susceptible. Elle adore faire des petites farces. Mais elle ne parvient pas à être vraiment méchante et ne terrorifie personne. Elle rate très souvent ses tours de magie. Les gens se moquent d'elle plutôt, surtout quand elle chante. Et aux grandes dames de ses voisines, elle adore chanter. C'est son passe-temps préféré. D'ailleurs, elle aurait aimé être Bianca Castafiotte ou Kralaburni, puisqu'elle a la compétence du chantage. Elle sait qu'elle est encore trop jeune pour être une diva, mais elle s'entraîne déjà à faire des bucalises pour plus tard. Un jour, devant les moqueries des gens du pays des quatre vents, Aigriselle décida de s'instruire. Ce fut en vain, car elle ne possédait qu'un seul livre. Utilisage des balles de cristal et inoptisme. C'est Einstein qui lui avait prêté en lui faisant promettre de le lui rendre au plus vite. Mais elle ne l'a jamais rendu. C'est une sorcière, sa pribule. Elle n'a donc pas de parole. Un matin, Aigriselle eut une surprise. En passant devant son miroir, elle remarqua que ça remuait sur son chapeau. Elle crut qu'une fleur s'en détachait et se pencha davantage sur le miroir pour la remettre en place. Mais la sorcière sursauta. Une des fleurs releva la tête et lui dit « Bonjour, Aigriselle !»« Mais, qui es-tu » s'exclama-t-elle. « Je suis toi !»« Moi ? Mais tu n'es pas moi. Et comment connais-tu mon prénom ?»« Parce qu'il est écrit sur ton livre. Et toi, c'est mon prénom. Je m'appelle toi. » Et Griselle enfila ses lunettes pour voir de plus près l'étrange compagnon installé sur son chapeau. Ce n'était pas une fleur, c'était une bestiole rampante, espèce de grand ver de terre aux cheveux rouges. Qui pourra dire un jour comment cette bête est arrivée là? C'est un mystère. Au début, Aigriselle fut contente d'avoir un nouvel ami, mais cela ne dura pas. Toi, au début très aimable et humble, devint très vite exigeant et effronté. Et plus les semaines passaient, plus il se moquait d'Aigriselle, de sa grandeur, de sa grosseur, de son gros nez, et chaque jour avait son lot de nouvelles disputes. Aigriselle avait beau essayer tous les tours de magie pour le faire disparaître, comme elle était piètre magicienne, elle échoua. Pour résoudre cet irrésoudable problème, hier elle a téléphoné à sa cousine Tatal, la reine des sorcières du pays des quatre vents, pour qui la magie n'a plus de secret. Et aujourd'hui, à l'heure de la choucrounouille du midi, Tatal entre sans frapper dans la cabane. Les deux cousines se pincent la joue en guise de bonjour. « Bonjour, Aigriselle. Je n'ai rien compris à ton coup de fil. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de toiture ? Bonjour, reine Tatale. Une histoire de toiture ? Tu divagues, ma cousine. Je t'appelle pour me débarrasser du ver à touffe rouge qui vit dans mon chapeau. Il s'appelle toi. Voyons cela de plus près, répondit Tatale en enfilant ses lunettes en peau de plastique. Elle s'approcha du chapeau. Qui es-tu, petit vermisseau à crête ? Ne te moque pas, répondit toi gentiment en baissant les yeux. J'ai été rejeté par ma famille à cause de ma grosse touffe de cheveux rouges tout ébouritouffue. Mes parents m'ont abandonné à moitié écrabouillé au bord d'un chemin. Mais heureusement, je suis résurrectionné, et le chapeau des grisailles me sert désormais d'abritation. C'est chouette ici. Je suis nourrie, blanchie, logis. Je m'appelle toi, car personne ne m'a jamais donné de prénom. Tout le monde s'adressait à moi en me disant « Hé, toi !» Tout attendri, déjà, Tatale pleure. « Pauvre petit bouchon, petit orphelin abandonné » dit-elle en le caressant. Puis, se tournant vers Grisel, « Comme il est mignon !»« C'est la goutte d'eau qui dépasse les bornes, et Grisel se révolte. D'abord, il n'est pas mignon du tout. Il passe son temps à me dire des méchancetés. Il dit que je suis moche. En plus, il est bête. Crois-moi, il n'a pas inventé la poudre à couper la vapeur, celui-là. Et lui, il ne sait pas regarder. Quant à moi, chaque fois que je me regarde dans mon miroir, je vois cette horrible petite bestiole gigoter sur ma tête. Et je me mire souvent. Je suis coquette, moi. Je mets même du rouge à ongles, regarde. Pouah ! S'exclama Tatale. Tes ongles sont si sales qu'on ne voit même pas de quelle couleur tu les as peints. » Et Grisel fait semblant de n'avoir rien entendu et continue ses doléances. « De toute façon, je vais le briser en mille morceaux, ce miroir. Il ne me dit plus que des méchancetés. » Le miroir se met à rire. « Tu vois, expliqua Grisel à sa cousine, lui aussi passe son temps à se moquer de moi. » Tatale demande au miroir. « Pourquoi es-tu devenu si malpoli, toi ?» Elle veut toujours que je lui dise qu'elle est la plus belle. Mais moi, je lui réponds. Si tu n'avais pas donné la pomme empoisonnée à Blanche-Neige, elle ne se serait pas endormie. Donc, elle n'aurait pas rencontré le prince charmant et serait aujourd'hui encore la serviteuse de ces affreux petits nains incultes. Elle serait toute bouffie, toute usée. Et peut-être aurais-tu été la plus belle aujourd'hui. Et il rajoute en chantant à tue-tête. Et Grisel, ma grande beauté, ne veux-tu pas te présenter à un concours de mocheté ? Il y a un miroir à gagner. Dis-moi qui est la plus belle, c'est pas la sorcière Grisel. Tu vois, Tatale, dit Grisel en s'effondrant de désespoiritude sur sa chaise sans dossier. C'est comme ça tous les jours. Tatale fait les gros yeux au miroir, mais avant qu'elle n'ouvre la bouche pour le réprimander, Toi se met à chanter, lui aussi. Mais la chanson est moins belle. « Sorcière, commère, mémère, cafetière, théière, arrête de manger, Grisel, tête inhospitalière. Tu vas devenir une sorcière au gros derrière. Cuillère, nucléaire, annuaire, gros derrière. » Sauf qu'il chante en charabia que seul et Grisel peut comprendre. Tatale, qui croit que le ver a chanté une jolie chanson, est encore plus émue. « Comme il chante bien, ce mignon petit oie !»« Assez, assez, tu te trompes !» s'écriait Grisel. « Il ne dit que des horreurs. Tu dois l'ensorcevouter. Moi, j'ai déjà essayé 1012 fois. Mais dans l'utilisation des balles de cristal et inoptisme, il n'y a rien sur l'ensorcevoutement des touffus. » Toi veut encore reprendre la parole pour se défendre, mais Grisel l'interrompt en ricanant. Hey, « Hé, toi, cheveux d'or, tu veux que je te prête mon peigne ?» T'en as même pas de peigne, vieille tête crépue. Ah, si tu continues à te moquer de moi, ver de terre, je vais te... Oh, et Grisel, tu es si belle que je me noie dans le bleu de tes yeux. Au secours, elle essaye de me noyer dans ses yeux. Et pendant que ces deux-là se disputent à nouveau, Tatale fait lentement le tour des Grisel, les yeux fixés sur le chapeau, puis elle va s'asseoir devant la cheminée. Elle réfléchit longtemps, en silence. « Pourquoi ma cousine veut-elle que j'ensorcevoûte ce joli petit animal ? Il me fait rire avec sa grosse touffe sur la tête. et il chante si bien. Pauvre petite bête, il a été si malheureux auparavant. » Enfin, elle se lève, s'approche des Griselles de son air le plus sérieux et lui déclare « Réfléchissons bien avant de l'ensorcevouter, ma chère cousine. Il ne faut pas vendre la charrue avant d'avoir tué l'ours. » Alors le ver, qui voit tout, qui entend tout, reprend son charabia. « Dis donc, jolie fleur des prés et Griselle la plus belle, tu veux éliminer l'ami de ton chapeau ? Perdu ! Et Griselle, soleil de mes nuits, et Griselle, belle de mes jours, ne désespère plus, ton prince est venu. C'est moi !»« Que ton poème sonne bien à mes oreilles, » dit Attal en souriant au ver de terre. « Mais en quelle langue parles-tu ? » Toi n'as pas le temps de répondre, et Griselle est furieuse. « Sapre nul, tais-toi, toi! Tu n'es qu'un ersatz de serpent à touffe, une nouille tombée de l'assiette, un asticot anorestique. Méfie-toi, la vengeance est un plat qui se mange sans faim. » Tatal se fâche. Elle fait la leçon à Griselle. « Ma chère cousine, tu exagères. Les sorcières aussi doivent faire preuve d'un peu d'amour et de générosité. Et toi es un animal charmant. Je ne ferai rien pour le faire disparaître ou le transformer en pierre. » « Pendant 100 ans, tu continueras donc à t'occuper de ce pauvre petit orphelin qui ne te veut que du bien. » Et pouf, d'un coup de baguette magique, elle disparaît. « Que voulez-vous, mes petits amis? On ne croit que ce que l'on voit. Et si Griselle voit un méchant ver sur son chapeau, Tatal y voit une gentille petite bête toute mignonne qu'il faut protéger. Il faudra donc que Griselle vive encore 100 ans avec le petit ver. » Espérons qu'ils redeviennent bons amis.